flabre longtemps, pas héros de votre patrie dans la mêlée du marathon de l'euro. J'strive au plan zéro pour que le fric renaît d'année en année. Né, suspect, prêt, ma vie c'est super MC qui arrive sans cap, frappe le RAP, stop salement à deux, MC avec un but, c'est inéductable, mais n'essaie pas d'arrêter. C'est tranchant sur les côtés du sale rap et des talkies, philosophie des trois monkeys, armure et musique dans le move sans faire partie du gratin. Prends soin du CO, les gens qui vendent CO, MO, ROS, reste si tu veux danser. C'est pas dansant, rap dans le sang, mais tu peux danser. Pour penser, les mythos ressent HF sur piste, et puis c'est piste, et pas le gros son, les gros sous, les gros seins sous caution. Et ma réussite vous dérange, on tient le rap comme le mur, ça sature. Tu veux notre son, on s'arrange frère, notre son un mélange ethnique. Piste sur piste, HF vous dérange, allez vous faire foutre, vous dérange. On tient le rap comme le mur, ça sature. Tu veux notre son, on s'arrange frère, notre son un mélange ethnique. Piste sur piste, HF vous dérange, allez vous faire foutre. HF sur tech, du buzz pour le bif. Ramasse la pelle et cruche, te buterai quand t'auras nif. Shérif, c'est juste du rap, un freestyle sur ta tempe. Une black talonne dans le caisson, demande les banques. Coupable, mes chouris quand je tire. Un oreiller sans empreinte, de la sueur, ça pue la chatte, pisse. Encore des traces de Team Boots dans la boue. Un 45 et demi, une grosse magouille. Et les corbeaux se cachent pour mourir. Puis tourne le HF10, on t'encule et les putes conspirent. Contrebandiers, ils travent les tracks dans les tranchées. Quelques sillons sautent, suce, qui kiffent le son du 92 fer. Tunes, Ojai, Holster. Une missive pour missile, sol, air. Et juste une boucle dans l'atmosphère. Des bandits sur bande et on demande du mérino stand. Impact et les scouts se deal. Des compacts et la guerre civile. Des mesures vulgaires. Alors ferme ta gueule. HF funeste, Ojai, all on dérange, on tient le rap comme le mur, ça sature. Tu veux notre son, on s'arrange frère, notre son un mélange ethnique. Piste sur piste, HF vous dérange, allez vous faire foutre, vous dérange. On tient le rap comme le mur, ça sature. Tu veux notre son, on s'arrange frère, notre son un mélange ethnique. Piste sur piste, HF vous dérange, allez vous faire foutre. HF funeste, Ojai, all star. Armure et musique, high level. Les pipelettes ou leurs caleçons. Allez vous faire foutre. Comité de brailleurs.